mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mandez pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, mandez, maman, oui, pour de là-haut, pour de là-haut, pour y café, pour y café, pour y cacao, pour y cacao, à descendre la ville, à descendre la ville, à les joues barrées, moi, les joues barrées, moi, maman, maman, maman, oui, maman, maman, oui, aïe, basse là, guéré, il en oui, en oui. Petit pantalon sous place, qui côté bois, je dis coquet. Mais le coquet, ou après, t'es mes chèles, la pompe des coquets, quand il fait blesse. Pantilette là, la bouillie à jupe au sol là, grenadine cachée mon Québec là, associé à pour un petit ya, mais maman moi besoin d'homme, et t'aime d'homme, femme comme ça, pour ta foi comme ça, en oui, pas qu'à guébé, maman, maman, va changer longtemps maman, et t'as fait la goule soi, à le cacher ensemble maman. Maman aimé, moi, papa aimé, ouais. Ah oui, il en oui, ah oui. Moi, résigné pour moi, aimé, sans seul bagage que m'a demandé, ou pas vite faire, faire jalousie, pour demain, bonjour la vie. Mandez pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, mandez, maman, oui, la pla bouillée, moi, la pla bouillée, ouvrez porte pour moi, ouvrez porte pour moi, bon cabadodo, bon cabadodo, en oui, baka kembe, maman, oui, la pla bouillée, maman, oui, descendre la ville, oh. Ah, yeah. Non pas le peser café, ah, yeah. Peser cacao, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, la balle mouté la wo, la balle couille café, mouté la wo, couille cacao, la balle descendre la ville, non pas le peser café, peser cacao. Aye, aye, aye, oh. Aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, thank you.